bah dis donc, t'aurais pas un peu grossi ? Eh bah, non. Vous n'avez pas de répartie ? Vous ne savez jamais quoi dire lorsqu'on vous fait une remarque désagréable ? La nouvelle application OK Poodle est faite pour vous. OK Poodle, t'aurais pas un peu grossi ? C'est celui qui dit qui est. Grâce à la nouvelle application OK Poodle, plus aucune attaque de vos collègues ne restera sans réponse. Dis donc, t'es pas habillé comme un sac aujourd'hui ? Toi-même. OK Poodle comporte un large choix de répliques à balancer aux personnes malveillantes autour de vous. Martino, c'est à cette heure-là qu'on arrive ? Je t'emmerde. Attention, cette application comporte des expressions à ne pas employer avec votre supérieur hiérarchique. Donnez-vous de la répartie avec Poodle Life. Martino, vous passerez à la compta. Ça va pas la tête.